L'Association internationale des Coréens pour la réunification a fait paraître la revue sociopolitique mensuelle Réunification de mars. Elle a exposé les photos sur les activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un. Elle a rapporté de suite la nouvelle de ses inspections du Palais du Soleil de Kumsusan à l'occasion de la journée de la brillante étoile, du centre d'élevage de silures de Samcheon, de l'Institut d'architecture Baekdusan et de l'école révolutionnaire de Mangyongdae pour le reboisement avec les élèves. Elle a présenté sa direction du tir d'essai du modèle Bukusong 2, engin balistique stratégique de moyenne et longue portée sol-sol, et des exercices de lancement de fusées balistiques des troupes d'artillerie façon des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée. Elle a informé en détail les communications des porte-parole de l'état-major général de l'armée populaire de Corée et du ministère coréen des Affaires étrangères, qui ont déclaré la position de principe de nos forces armées révolutionnaires face aux exercices militaires américano-sud-coréens qui dissolvent et aigle. Elle a présenté le contenu de l'information d'une presse russe qui a présenté que la destitution de Bakounet est la victoire historique remportée par les manifestations à la bougie de la population sud-coréenne et prise de justice, et que les forces progressistes sud-coréennes luttent contre la disposition de SAD des États-Unis. Par ailleurs, elle a aussi rédigé les données sur le soulèvement populaire du 1er mars de notre peuple contre la colonisation du Japon et autres nouvelles des compatriotes coréens.